Genèse chapitre 19. Or, sur le soir, les deux anges vinrent à Sodome, et Lot était assis à la porte de Sodome, et les ayant vus, il se leva pour aller au-devant d'eux, et se prosterna le visage en terre, et il leur dit, « Voici, je vous prie, mes seigneurs, retirez-vous maintenant dans la maison de votre serviteur, et logez-y cette nuit, et lavez vos pieds, puis vous vous lèverez le matin, et continuerez votre chemin. » Et ils dirent, « Non, mais nous passerons cette nuit dans la rue. » Mais il les pressa tant, qu'ils se retirèrent chez lui, et quand ils furent entrés dans sa maison, il leur fit un festin, et fit cuire des pains sans levain, et ils mangèrent. Mais avant qu'ils s'allassent coucher, les hommes de la ville, les hommes de Sodome, environnèrent la maison, depuis le plus jeune jusqu'au vieillard, tout le peuple depuis un bout jusqu'à l'autre, et, appelant Lot, ils lui dirent, « Où sont ces hommes qui sont venus cette nuit chez toi ? Fais-les sortir, afin que nous les connaissions. » Mais Lot sortit de sa maison pour leur parler à la porte, et, ayant fermé la porte après soi, il leur dit, « Je vous prie, mes frères, ne leur faites point de mal. Voici, j'ai deux filles qui n'ont point encore connu d'homme, je vous les amènerai, et vous les traiterez comme il vous plaira, pourvu que vous ne fassiez point de mal à ces hommes, car ils sont venus à l'ombre de mon toit. » Et ils lui dirent, « Retire-toi de là. » Ils dirent aussi, « Cet homme seul est venu pour habiter ici comme étranger, et il voudra nous gouverner. Maintenant nous te ferons pique à eux. » Et ils faisaient violence à Lot, et ils s'approchèrent pour rompre la porte. Mais ces hommes, avançant leurs mains, retirèrent Lot à eux dans la maison, et fermèrent la porte. Et ils frappèrent d'éblouissement, les hommes qui étaient à la porte de la maison, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, de sorte qu'ils se lassèrent à chercher la porte. Alors ces hommes dirent à Lot, « Qui as-tu encore ici qui t'appartienne, soit gendre, soit fils ou fille, ou quelque autre qui t'appartienne en la ville ? Fais-les sortir de ce lieu, car nous allons détruire ce lieu, parce que leur cri est devenu grand devant l'Éternel, et il nous a envoyés pour le détruire. » Lot sortit donc, et parla à ses gendres qui devaient prendre ses filles, et leur dit, « Levez-vous, sortez de ce lieu, car l'Éternel va détruire la ville. » Mais il semblait à ses gendres qu'ils se moquaient. Et sitôt que l'aube du jour fut levée, les anges pressèrent Lot, en disant, « Lève-toi, prends ta femme et tes deux filles qui se trouvent ici, de peur que tu ne périsses dans la punition de la ville. » Et comme il tardait, ces hommes le prirent par la main, et ils prirent aussi par la main sa femme et ses deux filles, parce que l'Éternel l'épargnait, et ils l'emmenèrent, et le mirent hors de la ville. Or, dès qu'ils les eurent fait sortir, l'un dit, « Sauve ta vie, ne regarde point derrière toi, et ne t'arrête en aucun endroit de la plaine, sauve-toi sur la montagne, de peur que tu ne périsses. » Et Lot leur répondit, « Non, Seigneur. Père, je te prie. Voici, ton serviteur a maintenant trouvé grâce devant toi, et la gratuité que tu m'as faite de préserver ma vie est merveilleusement grande, mais je ne me pourrai sauver vers la montagne, que le mal ne m'atteigne, et que je ne meure. Voici, je te prie, cette ville-là est proche, je puis m'y enfuir, et elle est petite, je te prie, que je m'y sauve, n'est-elle pas petite, et mon âme vivra. » Et il lui dit, « Voici, je t'ai exaucé encore en cela, de ne détruire point la ville dont tu as parlé. Hâte-toi, sauve-toi là, car je ne pourrai rien faire jusqu'à ce que tu y sois entré. » C'est pourquoi cette ville fut appelée Tsoar. Comme le soleil se levait sur la terre, Lot entra dans Tsoar. Alors l'Éternel fit pleuvoir des cieux, sur Sodome et sur Gomorre, du soufre et du feu, de la part de l'Éternel, et il détruisit ces villes-là, et toute la plaine, et tous les habitants des villes, et le germe de la terre. Mais la femme de Lot regarda en arrière, et elle devint une statue de sel. Et Abram, se levant, de bon matin, vint au lieu où il s'était tenu devant l'Éternel, et, regardant vers Sodome et Gomorre, et vers toute la terre de cette plaine-là, il vit monter de la terre une fumée, comme la fumée d'une fournaise. Mais il était arrivé, lorsque Dieu détruisit les villes de la plaine, qu'il s'était souvenu d'Abraham, et avait envoyé lors de la subversion, quand il détruisit les villes où l'eau habitait. Et l'homme monta de Tsoar, et habita sur la montagne avec ses deux filles, car il craignait de demeurer dans Tsoar, et il se retira dans une caverne avec ses deux filles. Et l'aîné dit à la plus jeune, « Notre père est vieux, et il n'y a personne sur la terre pour venir vers nous, selon la coutume de tous les pays. Viens, donnons du vin à notre père, et couchons avec lui, afin que nous conservions la race de notre père. » Elles donnèrent donc du vin à boire à leur père cette nuit-là, et l'aîné vint, et coucha avec son père, mais il ne s'aperçut point ni quand elle se coucha, ni quand elle se leva. Et le lendemain, l'aîné dit à la plus jeune, « Voici, j'ai couché la nuit passée avec mon père, donnons-lui encore cette nuit du vin à boire, puis va, et couche avec lui, et nous conserverons la race de notre père. » En cette nuit-là donc, elles donnèrent encore du vin à boire à leur père, et la plus jeune se leva, et coucha avec lui, mais il ne s'aperçut point ni quand elle se coucha, ni quand elle se leva. Ainsi les deux filles de l'eau conçurent de leur père. Et l'aîné enfanta un fils, et appela son nom Moab, c'est le père des Moabites jusqu'à ce jour. Et la plus jeune aussi enfanta un fils, et appela son nom Ben-Ami, c'est le père des enfants de l'Ammon jusqu'à ce jour.